بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في درس الرابع وخمسين بعد المئة. 154 لسون. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 1406 question. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأشجي ابن عبد القيس أن فيه خرصة أن فيه خرصتين أن فيه خرصتين يحبهما الله فما هما. النبي صلى الله عليه وسلم سيتي أشجي عبد القيس كي كان صحابي كي لافي دو كاركتيرستيك الله ايمي كيل سون تيل سي ce qu'on appelle ça l'indulgence ainsi que la douceur الحلم والأنات. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, radi Allah anhuma, قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم ليشجي عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنات. رواه مسلم. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit à cet homme que certes tu as en toi deux caractéristiques que Allah aime, qui sont l'indulgence ainsi que la douceur. Naam. Et là, cela confirme que Allah Azza wa Jalla, parmi ses attributs, il y a l'amour, le fait qu'il aime des choses. Donc ce n'est pas une sifat de nox, de défaut, qui amène à réduire de sa puissance, de sa force, comme certains veulent le faire croire. Allah Azza wa Jalla, il aime, comme cela va venir, il déteste également. Thumma qala fi sawal al-sabi'a 400 ba'd alf. قال اذكر بعض الصفات التي يحبها الله. Maintenant il cite certains attributs chez les hommes que Allah il aime. En premier lieu, il y a al-ihsan, la bienfaisance. Ka fi kulli 'azza wa jall inna Allah yuhibbul muhsinin, que Allah aime les bienfaisants, sourate al-Baqara verset 195. Également at-tawba wa at-tahara, le repentir ainsi que la purification et la propreté. Comme qala ta'ala إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Que Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqara également verset 222. Et parmi ces sifat, taqwa, la crainte. كفي كل عز وجل فإن الله يحب المتقين, que certes Allah aime les pieux. Al-Imran, famille d'Imran verset 86 ou 76 plutôt. والصبر, la patience, l'endurance. Kafikul la azawajel, Wallah yuhibu sabirin, que Allah il aime les endurants et les patients. La même surat, verset 146. Wal jihad. Al jihad, le combat, qui est pour sa cause, comme cela va venir, et pas n'importe quel combat. Kafikul la azawajel, inna Allah yuhibu lazin yukatiluna fi sabilihi safan kennahum bunyanun marsous. Que Allah, certes, il aime ceux qui combattent sur son sentier, en étant en rang, comme s'ils étaient un édifice uni. À Sauf les rangs, verset 4. D'accord ? Lors du djihad shalai, légiféré. Wa tawakkul, le fait de passer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit ta'ala, fa tawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin, que place ta confiance en Allah et que Allah aime ceux qui placent sa confiance en lui. Al-Imran, verset 159. Et ce tawakkul est parmi les conditions de la foi également. Parmi les conditions de la foi. Et al-adl wal-qist, c'est-à-dire la justice et l'équité. Comme a dit ta'ala, وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ. Que si jamais tu juges entre eux, alors juge avec équité, que Allah, certes, il aime les gens équitables et justes. Al-Ma'ida, la table de Sahabi, verset 42. وَإِتْبَعْ الرَّسُولِ, le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. كَفِكُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Dis, si jamais vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. La femme d'Imran, verset 31. Ça, c'est parmi les choses que Allah il aime. Il y en a d'autres, des attributs que Allah il aime. Ça, ce sont parmi ceux que l'auteur cite. D'accord ? Al-Ihsan, la bienfaisance, Tawba, le repentir, At-Tahara, la purification, At-Taqwa, la piété, As-Sabr, la patience, l'endurance, le jihad. C'est tawakkul, ou al-had, ou al-qist, quitter la justice et le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala fi sawal al-thaminu 400, bad 1408e question. Maintenant, c'est le contraire. Citer certains attributs que Allah n'aime pas, justement. Pour savoir comment se comporter par rapport à notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il aime de nous, qu'est-ce qu'il n'aime pas de nous. أولاً الكفر من évidemment la mécréance كما قال تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين afin qu'il rétribue ceux qui ont cru et œuvré dans le bien par sa grâce et qui n'aiment pas les mécréants. Rome, les Romains, verset 45. Donc cela amène à réfuter des gens qui disent qu'il ne faut pas juger les gens, ainsi de suite, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur, tu ne sais pas si elle aime même, s'il ne m'aime pas. Si tu es un mécréant, Allah ne t'aime pas. Sache-le d'office. Si tu es un mécréant, Allah ne t'aime pas. On n'a pas regardé ce qu'il y a dans ton cœur tant que tu n'es pas soumis à l'islam. Cela ne nous regarde pas. Nous, on juge en apparent et tu n'es pas soumis à Allah, tu es un mécréant, on te dit Allah ne t'aime pas. Que cela te plaise ou pas. L'irtida, le fait de faire preuve d'animosité, comme a dit Ta'ala, « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » Et combattez sur le sentier d'Allah, ceux qui vous combattent, et ne soyez pas injustes, ou de... C'est ça, on dira, le fait d'être injuste, d'en faire trop, d'aller trop loin, dépasser les limites, car Allah n'aime pas les gens outranciers. Surat al-Baqarah, verset 190, c'est-à-dire, quand tu fais une chose, tu la fais avec justice, même avec ton ennemi. والفساد والديزارد كما قال تعالى ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ne recherche pas le désordre sur terre car Allah n'aime pas ceux qui sèment le désordre. Al-Qisas, les comptes verset 77. Et الظلم, l'injustice كما قال تعالى والله لا يحب الظالمين que Allah n'aime pas les gens injustes. Al-Imran, la famille d'Imran verset 57. والخيانة والإثم, la trahison ainsi que le péché. كما قال تعالى ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. Et que Allah certes n'aime pas ceux qui sont traîtres et grands pécheurs. Al-Nisa, les femmes, verset 107. Et comme encore le Ta'ala, « Inna Allah le hubul kha'inin » que Allah n'aime pas les traîtres. « Wal khuyala wal fakhar » le fait d'être vaniteux et d'être hautain. Comme encore le Ta'ala, « Inna Allah le hubul man kana mukhtalan fakhura » que Allah n'aime pas ceux qui sont vaniteux et hautains. Les Nisa, les femmes, verset 36. « Wal kibr » l'orgueil. « Wa qala Allah Ta'ala » La jalama inna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbu al-mutakabbirin que certes Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il extériorise ce qu'il montre on va dire et que il n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Sourate An-Nahl, les abeilles, verset 23. Thumma qala fi su'al at-tasi'a wa 400. بعد 1409e question. Uzkur kabiratayn Tu'idullahu fa'ilahuma bil harb. C'est deux grands péchés à qui Allah a menacé de déclarer la guerre, celui qui va les commettre. Ces deux péchés. Et en premier lieu, il y a riba, ce qu'on appelle l'usure. Riba, l'usure. Ils appellent ça en français les intérêts. Et en réalité, on appelle ça l'usure. Comme a dit Ta'ala, Ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Il dit, oh vous qui avez cru, délaissez ce qui vous reste comme argent du riba, si jamais vous êtes croyant. Si jamais vous ne le faites pas, alors préparez-vous à une guerre d'Allah de son messager. Si vous vous repentez, vous aurez alors votre capital qui va vous rester, votre droit, hein, et vous ne serez point lésés et vous ne léserez point les autres. Al-Baqarah, la vache, verset 278 à 279. Donc faire du riba, prendre de l'argent du riba, est une cause de recevoir la guerre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est le fait de s'en prendre aux alliés d'Allah. Les gens que Allah il aime s'y rapprocher. Et tout homme pieux, mustaqim sur la droiture, est à rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez, le wali, c'est celui qui est pieux. Maintenant, les gens diffèrent. Certains sont plus pieux que d'autres. Solo, on fournit plus d'efforts que d'autres. Mais tout musulman, croyant, mustaqim, muttaqi, c'est un wali d'Allah. À le prendre et à le comprendre. Et ce n'est pas obligé qu'il fasse des miracles pour qu'il le soit. D'accord? Les miracles, c'est des choses qu'il apporte à des gens. Il se peut même qu'il apporte un miracle à une chose, à une personne qui en réalité est moins pieuse qu'une autre, mais pour une situation particulière, pour une maslaha, par rapport à la da'wah, par rapport aux gens. Que les gens voient des choses incroyables devant leurs yeux. Et autre personne, soit plus pieuse que lui, n'a pas eu ce privilège de faire ce miracle. Par exemple. Dans le hadith d'Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah qala man aada liya waliyan faqad azantum bil harb » qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a dit, c'est-à-dire hadith Qudsi, que celui qui s'en prend à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Rawi Bukhari, rapporté par le Bukhari. Naam. « طيب هذا الذي أردنا اليوم قبل aujourd'hui on s'arrête ici والحمد لله رب العالمين